Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que la semaine fut bonne et j'ai envie de vous dire, ça y est, nous y sommes déjà au samedi, donc ça fait plaisir beaucoup parce qu'on bosse pas. Et surtout à la 100e émission de Docteur Disco. Qui l'aurait cru ? Et Mr. Funk, bien sûr, hein, sinon il saura faire des jaloux. Alors pour raconter un peu la genèse de cette émission, l'ancien animateur de Coup de Cœur, Serge, m'avait proposé de faire un pilote pour une émission sur Fadjet. J'ai envoyé mon pilote à Yves. Il a été d'accord, c'était en novembre 2020, il me semble, et j'ai commencé à enregistrer mes émissions en février 2021. J'avais quelques rubriques, bien sûr. La première, c'était les découvertes, et le premier titre que je vous ai passé, c'est Roberta Kelly et son Zodiac. Capricorn, Leo, Sagittarius. Ah, c'est Roberta Kelly. Je suppose que pour beaucoup, ça fut une découverte. Bah, moi le premier d'ailleurs. Et vous avez trouvé votre signe, bien sûr, du zodiaque. Alors, pour continuer notre émission aujourd'hui, un peu spéciale, bah, le disco, bah, surtout le funk, c'est une valeur sûre. Moi, ça me rappelle ma jeunesse, quand on allait au dernier sou dans les bals. Il y avait souvent un monsieur qui passait. C'était George Benson, Give Me the Night. Ce qu'on appelait des valeurs sûres. L'émission s'en inspire. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que George Benson n'aime pas du tout cette chanson parce qu'il la trouve très commerciale. Eh bien, j'ai envie de te dire, George, c'est une des meilleures. Fadjet sur 94.2. Et avouez que ça fonctionne encore, hein. George Benson, 1980, il y a plus de 40 ans, la musique, franchement, c'est une tuerie. Et il y a d'autres groupes comme ça qui ont un peu nagé à travers les siècles, enfin les siècles, les années plutôt, excusez-moi. Imagination, tout le monde connaît. Moi, je me souviens du premier clip où c'était dans une maison hantée ou avec un rythme très très entraînant. Début des années 80, c'était quand même une sacrée révolution hein, au niveau de clip vidéo. Justement, ce groupe-là, il a une grosse place aussi dans mon émission et il nous fait faire plein de flashbacks. Bah, d'ailleurs, c'est le titre. special that we wanna say. Happiness is just a state of mind. Flashback to the days when the nights were young. Flashback when we could do no wrong. Flashback we used to dance till the light of dawn. Flashback when our hearts were so strong. Yeah. Et dire qu'après toutes ces années, Lee Jones, le chanteur du groupe Imagination, tourne encore. C'est quand même étonnant. Et donc du coup, j'allais pas me contenter de vous servir que des trucs connus, Imagination, Village People et compagnie. Il a fallu aussi que j'innove, quoi. Donc je me suis dit, faisons quelques recherches. Et ben, au hasard de mes recherches, je suis tombé sur des découvertes, franchement, de groupes que plus personne n'entend, ne connaît maintenant, qui sont vraiment passés à l'as, et je me suis dit, c'est l'occasion de réhabiliter ces quelques groupes. Et bien, c'est ce que j'ai fait en mai de la première année avec Das Band et leur titre, Let It Whip. Thank you. Bon, les découvertes, c'est fait. Mais je me suis dit, mais en France, on a eu aussi quelques bons morceaux. Alors, vous n'allez pas me parler de Patrick Hernandez, bon, To Be Alive, mais je me dis, bon, mis à part Clo-Clo que j'admire, qui représente le mieux le disco et le funk? Eh bien, je me suis dit, Sheila, Spacer, c'est vraiment un grand, grand morceau d'anthologie. Il ne faut pas oublier que Nice Rogers de Chic lui a donné un sacré coup de main. Elle était au creux de sa carrière et ça lui a permis de la relancer. De quelle manière? C'est bien sûr pas la version originale, comme vous avez pu vous en rendre compte, mais ça, c'est cadeau. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire aussi? Ben, je me suis appuyé aussi sur des valeurs sûres, sur des légendes. Une de ces premières légendes, un des titres que j'écoutais beaucoup, beaucoup, c'est les Commodores Night Shift, avec leur hommage poignant à Marvin Gaye. Il faut dire que leur musique, elle est vraiment tellement fantastique avec ce morceau-là qu'on ne se lasse pas de l'écouter. Thank you. Ce morceau, il est toujours aussi fabuleux, même des années après. Et dire que Lionel Richie a quitté le groupe avant ce succès, il doit un peu regretter quand même. Donc ça fait partie des légendes où, sur lesquelles je m'appuie. Il y a aussi Village People, j'ai diffusé pas mal de titres pas trop connus d'eux. Et j'ai, alors, pour l'anecdote, j'ai tout leur 33 tours, j'étais fan étant gosse. Et je trouve que, oui, c'est vraiment un groupe qui représente bien, bien le disco. Alors moi, ce que j'aime bien chez eux, c'est San Francisco, parce que ça nous fait voyager. la sentez la bonne odeur des années 70 là, ça fleur blond. Alors pour l'anecdote Village People, il était le cowboy, c'était Randy Jones, et j'ai découvert un tube qu'il a sorti en 2016 où il est toujours aussi fan de disco. Ça s'appelle Hard Time. Je l'ai passé dans une pépite en octobre de l'an passé, il me semble. Du tout bon, du tout bon. Je le repasserai un jour, ça c'est clair. On peut pas dissocier Village People d'un autre groupe emblématique des années 70, Boney M. Alors quand on sait que le chanteur Bobby Farrell ne chante pas, c'est que du playback, ils l'ont pris juste pour sa présence sur scène. C'est quand même dingue ça. Alors qu'est-ce que je vous ai présenté? Daddy Cool? Non. Je l'aime bien, mais pour moi, il y a un morceau au-dessus. Matt Baker? Non plus. Do You Wanna Bump? Non plus. Moi, je préfère Sonny. J'adore ce morceau-là, même si c'est une reprise. Je pense qu'on peut l'applaudir. Alors moi, ça me fait toujours l'effet d'être au bord de la plage sur un transat en plein été. Cette chanson-là me transporte toujours comme ça. Ce que je peux vous dire, donner comme info aussi, c'est que d'ici fin juillet, il y aura une saga consacrée à Bonnet M, comme je fais tous les fins de mois, et je vais m'attarder sur l'histoire du groupe. Je pense que du coup, on entendra Sony. Je m'inspire aussi pour mes émissions de chanteurs moins connus, mais aussi très bons. C'est le cas par exemple de Dan Hartman, qui est vraiment un compositeur de génie, qui a composé pas mal de bons trucs et que j'aime bien remettre à l'ordre du jour. Le but de cette émission, bah bien sûr, rallumer la flamme du disco et du funk. Non, je plaisante, j'ai pas cette prétention. C'est surtout faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes des musiques un peu abandonnées, on va dire, qui passent pas souvent à la radio. Et pourquoi pas leur donner l'envie d'écouter plus de choses dans l'artiste. C'est ce qui s'est passé pour moi pour le groupe suivant. Alors, je vous explique le pitch. J'étais sur un site de visionnage de vidéos et je tombe sur un Megamix. On fera une émission spéciale d'ailleurs, Megamix, un de ces quatre, sur les murs en morceaux de disco et de funk. Premier titre, SOS Band, Take Your Time. Alors là, ça m'a paru d'enfer. Donc du coup, j'ai continué à regarder un peu d'autres morceaux de ce groupe. J'ai bien aimé The Finest et d'autres. Mais bon, j'ai préféré marquer le coup et vous passer Take Your Time. Prenez bien votre temps pour écouter ce morceau. Let's do it. Le plus dur pour moi en préparant cette émission, ça a été de choisir les titres et les auteurs. Il y a tellement de choses que j'aimerais vous passer qu'en une heure, c'est quasiment impossible. Alors j'ai dû faire des choix qui vont plus ou moins vous satisfaire. En tout cas, moi, il y a un auteur que j'ai voulu passer, c'est Luther Vandross et son fameux Never Too Much. Alors déjà là-bas, ça allait être d'enfer. Et Luther Vandross, c'est quand même un sacré chanteur avec sa voix un peu de charmeuse et tout. Enfin bref, quoi. Et je pense qu'il n'y en aura jamais trop de lui. Mon ami le grand, Jean-Loup pour les intimes, on en a fait des malheureuses là-dessus. Alors malheureusement, ça va être le dernier titre que je vais passer. Avant ça, je vais faire des dédicaces. Alors à tous mes collègues qui m'écoutent, Steph, Coralie, Fred, Aline et Isabelle. Et je voudrais remercier aussi toute l'équipe de Fadjet qui nous accueille dans ces studios et qui sont très très sympas. Franchement, si vous voulez faire des émissions, venez ici, quoi. C'est nickel. Yves est toujours dispo, Fabienne aussi. Que vous dire d'autre ? Eh ben, mon souhait, c'est de vous dire peut-être à dans 100 autres émissions. Pourquoi pas, chiche, moi, Si ça me va, si ça vous va, ça me va aussi. C'est une prochaine émission plus classique. On va se quitter sur BBQ on the band. On the bead. Désolé, Gax, t'auras pas ton Oliver Cheatham. Allez, à bientôt. Bye bye. Would you say you got